Il n'y a pas d'amour ou pas longtemps. C'est ce que tu me dis tout le temps. Combien de fois je t'ai manqué? Combien de fois tu m'as trompé? Et tu te sens seul avec ton bonheur dégueulasse. Et tu te sens seul avec ton sourire égoïste. Tu t'étonnes de ne pas souffrir même par compassion. Et de ne rêver que d'un lac silencieux dont les eaux mortes reposent au creux des hautes montagnes immobiles. En fait, tu t'en fous que je sois triste. Pourtant ce n'est pas de l'indifférence, mais de l'ignorance. Tu ne sais pas, tu n'as jamais appris. Tu imites les autres, tu veux que ta vie ressemble à celle de tout le monde. Mais tu t'es trompé, et peut-être même que tout le monde se trompe. Vaut mieux rester seul pour régler ses comptes avec la vie. Vaut mieux rester seul pour régler ses comptes avec la mort. Quand tu comptes le temps qu'on perd à s'engueuler, mis bout à bout, ça doit faire de longues journées où on n'a plus que ça. La gorge en feu et le cœur bombardé à moitié immergé dans la flotte. Il n'y a pas d'amour ou pas longtemps. C'est ce que tu me dis tout le temps. Tu rêves encore de ce lac qui garde ses eaux comme une réserve de larmes. Ces eaux stagnantes qui tournent en rond et se dépaysent qu'en reflétant les variations du ciel. Il y a bien quelques accidents comme des pluies avec de nouvelles venues, mais ça ne dure qu'un temps. Puis après ça part ailleurs, sans faire de bruit. Tu entends? Ça part ailleurs sans faire de bruit. Ça te plaît quand c'est comme ça? On sert un instant et après on se doit plus rien, alors on se quitte. On part ailleurs sans faire de bruit. Il n'y a pas d'amour ou pas longtemps. S'accroche à toi qu'on te dise qu'on tient à toi. Ce ne sera jamais réciproque car derrière ton apparence rassurante il y a un néant noir et vide qui creuse dans ton dos, qui creuse les tombes de tes rencontres présentées à venir. Et il y a assez de place pour un immense cimetière avec des allées peuplées d'ombres, endeuillées, bordées de peupliers sans signes effacés par la brume. Combien de fois tu as traîné les pieds avant qu'on se retrouve? Tu as broyé tant de noir que la nuit est tombée avant l'heure. Tu n'avais pas envie de me prendre dans tes bras. Il n'y a pas d'amour ou pas longtemps. C'est ce que tu me répètes tout le temps. Tu n'as pas envie de me prendre dans tes bras. Parce que là t'as l'air trop bête, tout encombré d'un poids aussi grotesque. T'aurais presque honte. Tu n'avais pas une idée aussi imprécise de la beauté. S'il n'y avait pas de loi, t'aurais refroidi tous tes amants. Ils auraient payé leur audace d'être venus te prendre, de t'avoir souillé et enlaidi de ce nouveau souvenir aussi sale qu'indélébile. Il n'y a pas d'amour. Pas longtemps. Je vais finir par le croire, surtout que là tu pars. Et je te regarde filer comme un poisson qu'on relâche, qui profite de cette aubaine pour glisser deux fois plus vite dans l'eau du lac. Tout heureux d'avoir échappé aux ténèbres qui disparaissent derrière lui.